joue Turlututu, la pièce de Marcel Achard, et La Grosse Valse de Robert Derry. Le jour le plus long est projeté sous les écrans parisiens et Kennedy annonce aux Américains que des fusées soviétiques sont installées à Cuba. Nous sommes en octobre 1962 et Petula Clark, puissant plus que jamais, débarque en France et dans les hit-parades avec son chariot. Salut les 60, bienvenue sur Radio Gémozo, bienvenue dans la musique des 60s. Laisse-moi venir près de toi sur le grand chariot de bois et de toile. Nous nous en irons du côté d'où montera le jour dans les premiers reflets du ciel avant la chaleur du soleil. Sous la dernière étoile, la plaine n'aura plus de frontières. La terre sera notre domaine. Que j'aime ce vieux chariot qui tangue. Si tu veux de moi dormir à ton côté toujours. L'été sous la lune d'argent, l'hiver dans la neige et le vent, alors dis-le-moi, je pars avec toi. La plaine n'aura plus de frontières. La terre sera notre domaine. Que j'aime ce vieux chariot. Sometimes I feel a little mad, but don't you know that no one alive can always be an angel? When things go wrong, I seem to be bad. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And sometimes it seems that all I have to do is worry, and then you're bound to see my other side. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seem edgy, I want you to know that I never mean to take it out on you. Life has its problems, and I get my shit. And that's one thing I never meant to do. 'Cause I love you. Oh, baby, don't you know I'm human? I have thoughts like any other one. Sometimes I find myself alone regretting some foolish thing, some little sinful thing I've done. Understood. understood. Salut les 60, le plein de nostalgie sur Radio Gemozo. Les Four Seasons, Sherry, Mike Shannon et les Chats Sauvages en feront un super tube en France. Vous avez décidé de rester en notre compagnie, merci de votre choix. Au sommaire de Salut les 60, nos trois matchs, le hit parade d'avril 1962 et notre rubrique Le coin du spécialiste sera consacrée aujourd'hui à la carrière solo de Dick Rivers. Excellente journée sur Radio Gemozo, merci de nous accompagner. Thank you. 1967. La série américaine Mission Impossible débute à la télévision française. La Chine se fâche avec l'URSS. Je n'aurai pas le temps. Et le petit livre rouge de Mao Tse-tung sort en France. Même Che Guevara, l'autre idole des jeunes, est mort. Plus vite que le vent. René Magritte, peintre surréaliste, rejoint ses statues inanimées. Le pétulant Dean Martin et la pulpeuse Anne-Margaret jouent Bien joué, Mattel. Pendant que le laser le plus puissant du monde brise l'atome, Sidney Poitier et Rod Steiger survivent dans la chaleur de la nuit. Et pendant ce temps-là, les nouvelles Fiat 125 font des ravages. L'arte povera, l'art pauvre, fait des débuts remarqués. J'écoute un disque de toi, ça fait 2 minutes. La loi Neuwirth légalise la pilule. Ça me donne. Et les bidonvilles de la périphérie parisienne. Un petit peu de. Scandalise. Deux sœurs, Monique et Nicole, quatre frères, Dave, Rocky, Pat et Coco. Deux sœurs, quatre frères d'origine malgache, sur Radio Gomozo, c'était les surfs Adieu Chagrin. Le 9 juillet 1962, conformément à la décision du clergé, les prêtres français abandonnent la soutane pour les vêtements civils, les vêtements ecclésiastiques restant obligatoires pour les cérémonies du culte. Salut la vie, il y a du nouveau, sans tomber plus ici, c'est long nos chevaux. On a tiré sur la diligence, la bande à Ringo prépare sa vengeance. Partout il pille, cherche nos filles. Tu sais qu'il n'y a pour eux ni Dieu ni loi. Ils brûlent tout à ce qu'on raconte. Viens pas dans la rue pour régler leur compte. Yeah! Sauf en whisky, désigne tes hommes, car le juge a dit qu'à l'un de l'identité. Yeah! Sa fille Constance en récompense et quelques lingots contre le corps de Ringo. Larry, la fille que tu veux, et c'est toi, Larry, le plus courageux. Yeah! Montre-le-lui par ton Warrigo, sans ton fusil, c'est long nos chevaux. Yeah! Peut-être même qu'elle aussi t'aime. Il faut qu'on retourne. Tu es la gloire et l'amour. Salut la vie, salut et bravo. Ton coup de fusil a tué Ringo. Yeah! Je cours la vie chercher le pasteur qui vient aujourd'hui bénir mon bonheur. Yeah! Yeah! Salut Larry, titre extrait du troisième 45 tours des Missiles, un groupe composé de quatre garçons rapatriés d'Oran et installés à Saint-Raphaël. Le tout, c'était en 1964. De suite, un clin d'œil à La Fontaine, un clin d'œil signé Nancy Holloway, « Est-ce que tu m'aimes ?» La cigale ayant chanté tout l'été se trouve fort dépourvu quand le bise fut venu. Que faisiez-vous autant chaud? Je chantais, ne vous déplaise. Eh bien, dansez maintenant! Est-ce que tu m'aimes quand je danse comme ça? Est-ce que tu m'aimes quand je danse comme ça? Est-ce que tu m'aimes quand je danse comme ça? Quand je danse comme ça. Qu'est-ce qui te plaît le mieux? Qu'est-ce qui te plaît le mieux? Quand je bouge les yeux? Quand je bouge les yeux? Quand je bouge les bras? Quand je bouge les bras? Ou quand je bouge comme ça? Quand je bouge comme ça? Dis-moi! Dis-moi! Oh, dis-moi! Est-ce que tu m'aimes? Quand je danse comme ça? Est-ce que tu m'aimes? Quand je danse comme ça? Est-ce que tu m'aimes? Quand je danse comme ça? Quand je danse comme ça. Watch me now. Push, push. Oh, shake it up, shake it push, up. Push, woo! Shake it up, baby. Push, push. Oh, just a little bit of soul now. Whoa! Push, push. Attends, je vais t'expliquer. Push, push. Je vais le dire en français. Push, push. Est-ce que je sais danser? Oui, je sais danser. Est-ce que tu saisis? Est-ce que tu saisis? Ma chorégraphie. Ma chorégraphie. Dis-moi. Dis-moi. Oh, dis-moi. Yeah, yeah, go. Oh, est-ce que tu m'aimes quand je danse comme ça? Est-ce que tu m'aimes quand je danse comme ça? Est-ce que tu m'aimes quand je danse comme ça? Quand je danse comme ça. Jean Vincent Rhino, une chanson qui ne vous est pas inconnue puisque les Chaussettes Noires l'ont adaptée sous le titre « Le temps est lent ». I'm all alone, so come on home, baby, right now. Come on home, right now. Come on home. I'm all alone, so come on home, come on home, baby, right now. Come on home, right now. Come on home. Well, now don't fool around, honey, don't you let me down. Come on home, come on home. I want a thrill, I need a chick, baby, right now, right now. I want a thrill, I need a chick, baby, right now, right now. Honey, don't you let me down. Come on home, come on home. Oh, if there's something to do, I do it. And when there's some place to go, I go. And when I put my loving arms around you, watch how you know that I love you so. Whoa, I wanna dance, I need romance, baby, right now, right now. I wanna dance, I need romance, baby, right now, right now. Well, now don't hesitate, baby, don't you be late. Come on home, come on home. Now! Yeah. I do it. And when there's some place to go, I go. And when I put my loving arms around you, watch how you know that I love you so. Whoa, I wanna dance. I need romance, babe, right now, right now. I wanna dance. I need romance, babe, right now, right now. Well, now don't hesitate, baby, don't you be late. Come on home, come on home, come on home, come on home, come on home, come on home. Come on home, come on home. Vous pouvez nous écrire à Radio Guémozo, 8 places de l'Hôtel de Ville, à 88 200 Saint-Étienne-lès-Remiremont, ou nous téléphoner au 03 29 62 40 40. Et comme un petit pantin, il le répétait sans fin. Calmer le tourment qui déchire un cœur d'enfant. Quand on aime comme lui, on a droit au paradis. Écoutez-le quand il prie. Richard Anthony, le petit clown de ton cœur, c'est l'adaptation Cathy's Clone. La version originale est interprétée par les Everly Brothers et c'est maintenant sur Radio Guémozo. Sound. 4 avril 1962, Viridiana, Diana, le film de Luis Buñuel sort sur les écrans parisiens après 8 mois d'interdiction. Multiplication, le nouveau tube de Lucky Blondeau se classe à la 50e place du Hit Parade. C'est donc le Hit Parade d'avril 1962 que je vous propose de découvrir à l'aide de quelques titres classés. Je t'épie, toi tu me fuis, et pourtant nous aimons. Quand tout va si mal, ce n'est pas normal, je viens d'en trouver la raison. La multiplication de nos petits malheurs, sème la division dans nos cœurs. vérité, malgré ces tracas de tous les jours sur que l'on s'aimera. Toujours, toujours, mon amour, c'est la vie qui veut ça. Un an déjà que nous voilà, la bague au doigt à tous les deux. Et c'est au dessert que l'on s'est offert des petits paquets tout heureux. La multiplication des cadeaux et des frères, ça fait des soustractions au budget. Ouais, bah. De tous les jours sur que l'on s'aimera. Toujours, toujours, mon amour, c'est la vie qui veut ça. Nous avions fait le grand projet d'aller au bord de la mer. Oh oh, mais c'était bien trop beau, ce rêve est à l'eau. Nous irons bien sûr chez ta mère. La multiplication de l'enfer éternel, c'est une belle addition pour le ciel. Et tant pis. Dream Baby, 39e du hit parade d'avril 1962. Dans un style plutôt crooner, c'est Roy Orbison, le rocker, que l'on retrouve sur Radio Gamozo. En avril 1962 que commence le percement du tunnel routier du Grand Saint-Bernard entre la Suisse et l'Italie, tandis que les chaussettes noires avec Petite Sœur d'Amour rentrent en ce mois d'avril 1962 à la 29e place du hit parade. Petite sœur d'amour, petite sœur d'amour, pour toi, je suis simplement un copain à qui l'on tend la main. Petite sœur d'amour, pourras-tu m'aimer un jour? Ouais, l'amour a débuté, voici bien deux années. Nous étions deux gamins, tu étais mon seul bien, mais tu n'en savais rien. Petite sœur d'amour, petite sœur d'amour, pour toi je suis simplement un copain à qui l'on tend la main. Petite sœur d'amour, pourras-tu m'aimer un jour? J'ai voulu t'épouser, mais tu m'as rionné, car tu avais changé. Petite sœur d'amour, petite sœur d'amour, pour toi je suis simplement un copain à qui l'on tend la main. Petite sœur d'amour, pourras-tu m'aimer un jour? F, L, A, S, H, B, A, C, K, flashback. Oh oui, je l'aime. Je l'ai connu là là, en twistant le ya-ya. Lui était mon petit chat, viens danser avec moi. Si mon cœur gémit, tu sais qu'elle m'a quitté depuis. Depuis ce jour, j'entends enfin dans mon cœur lourd comme un refrain l'air du souvenir n'en finit plus de gémir. Je l'ai connu là là, en twistant le ya-ya. Comprenez-vous pourquoi je reviens toujours là? J'attends son retour en espérant nuit et jour. Yeah. Pourquoi? Ouais, je m'ennuie, plus rien ne va. Oh, mon cœur est blessé, je ne peux plus l'oublier. Je l'ai connu là là, en twistant le ya-ya. Mon cœur est bien là là, mais il attendra là. Ouais. J'attends son retour, l'âme en peine et le cœur lourd. J'attends son retour, l'âme en peine et le cœur lourd. Johnny Hallyday, Yaya Twist, 24e du Hit Parade, avec l'adaptation du Yaya de Lee Dorsey. Nous resterons dans les adaptations avec le coup du charme, reprise du God Luck Charm d'Elvis Presley. Avec ce titre, les vautours se classent à la 17e place du hit parade d'avril 1962. Oh yeah. Chaque jour tu me reviens, les bras chargés de paquets. Tu vas fort mais tu t'y prends bien, car devant mon air mauvais, craque, ça y est, toi tu es le coup du charme. Il est parfait, ton petit coup du charme. Lorsque je me gendarme, toi tu ris, moi je ris, et gentil, si gentil, je dis oui. Tu as trop d'anges gardiens pour veiller sur ton cœur. Tu prétends qu'ils sont des copains, et ça me met en fureur. Alors craque-toi, tu me fais le coup du charme. Il est parfait, ton petit coup du charme, calmant mes alarmes. Mais gentil, si gentil, quand tu ris, et tu ris, je souris. La vie. Crac, ça y est, toi tu fais le coup du charme. Il est parfait, ton petit coup du charme. Lorsque je me gendarme, je suis pour ton amour, tu es pour mon amour toujours. Oh yeah. Oh yeah. Tandis que chaque jour, 8 à 10 000 réfugiés quittent l'Algérie, on apprend la mort de Pierre Larquet. Michel Debré démissionne, Georges Pompidou devient Premier ministre. Nous sommes en avril 1962 et le petit Gonzalez de Daniel Gérard fait son apparition à la 11e place du hit parade de l'époque. Gonzalez. Reviens donc ici, petit Gonzalez. Oh, c'est maman qui te dit ça. Sinon, oh, tu connais papa. Lui, il n'insistera pas. Si tu n'as point fini tes leçons, ça fera du bruit à la maison. Tes devoirs sont très mauvais, tu sais. Il te faut les recommencer. Petit Gonzalez. Je t'en prie, reviens. Je ne peux pas. Petit Gonzalez. Okay. Pourquoi donc t'en vas-tu si loin? Est-ce que j'ai rendez-vous avec la belle Anna? La. Je vois déjà ton père et sa main te caresser le bas des reins. Écoute-moi et ne dis pas non. Voici ton livre et tes crayons. De moi n'auras-tu donc jamais pitié? Entends, je ne peux plus crier. Petit Gonzalez, je t'en prie, reviens. Petit Gonzalez, pourquoi donc t'en vas-tu si loin? Oh, She brought me to the west, but she's the gal that I love best. Tootie-fruity, oh Rudy. Tootie-fruity, woo. Tootie-fruity, oh Rudy. Tootie-fruity, oh Rudy. Tootie-fruity, oh Rudy. A womp bum a loom bump a lump bum bum. Got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. She knows how to love me, yes indeed. Boy, you don't know what you're doing to me. Tootie-fruity, oh Rudy. Tootie-fruity, woo. Tootie-fruity, oh Rudy. Tootie-fruity, oh Rudy. Tootie-fruity, oh Rudy. Oh, bum, bum, bum, bum, bum. What you doing to me? Tootie-fruity, oh Rudy. Tootie-fruity, woo. Tootie-fruity, oh Rudy. Tootie-fruity, oh Rudy. Tootie-fruity, oh Rudy. Oh, I'm bam-a-loo-ma-ba-la-bam-boom. Tootie-fruity pour le son rock'n'roll, c'était Little Richard. Des paroles pleines de sous-entendus et osées pour l'époque, des paroles signées en 1966 par Serge Gainsbourg, France Gall sur Radio Guémouzo, Les Sucettes. Parfumé à la nuit, coule adaptation contre version originale, juste après Claude François, pauvre petite fille riche, nous retrouverons notre deuxième match. Toute seule sur cette plage, pauvre petite fille riche. Toute seule, si seule, pauvre petite fille riche. Tu pleures parce que tu n'as pas le droit d'épouser un pauvre garçon comme moi, pauvre petite fille riche. Toute seule sur cette plage, pauvre petite fille riche. Toute seule, oh si seule, pauvre petite fille riche. Tes parents croyaient qu'on s'amusait, ils n'ont pas voulu croire qu'on s'aimait, pauvre petite fille riche. Ce soir on s'est revus pour la dernière fois. Ce soir on s'est aimé pour la dernière fois. Il aurait mieux valu ne jamais se rencontrer, car maintenant il va falloir oublier. Toute seule sur cette plage, pauvre petite fille riche. Toute seule, oh si seule, pauvre petite fille riche. Toute seule sur cette plage tous les deux, cet été nous étions si heureux, pauvre petite fille riche. Jamais se rencontrer, car maintenant il va falloir oublier notre amour. Attention mon vieux, allez où tu vas. Attention mon vieux, allez où tu vas. Attention, c'est dangereux, ça ne pardonne pas. Ta voix surécrouée, ton moteur est gonflé. Attention, tu fais chanter tes pneus en brûlant tous les feux. Tu n'as jamais le temps. Mon vieux, fais attention. Non, tu n'as jamais le temps. Attention mon vieux, tu y vas un peu fort. Attention, oh, c'est dangereux, t'aimais toujours à tort. Attention, tu vas toujours plus loin pour changer ton bonheur. Attention, un jour tu n'auras rien, crois-moi j'en ai bien peur. Tu n'as jamais le temps. Mon vieux, fais attention. Non, tu n'as jamais le temps. Il faut ses tours à devant, reviens sur ses grisons. Oh, vivant ta vie un peu dans le vent. Car pour toi le bonheur sera toujours ailleurs. Tu risques toujours rien de faire peur. Jamais peur. Attention mon vieux, à l'allure où tu vas. Attention, pour être heureux, prends bien le temps, crois-moi. Tu attention cours après l'amour sans jamais le trouver. Attention, arrête-toi un jour si tu veux le garder. Tu n'as jamais le temps. Mon vieux, fais attention. Oui, mais tu n'as jamais le temps. Tu n'as jamais le temps. Mon vieux, fais attention. Oui, mais tu n'as jamais le temps. Les Lionceaux, tu n'as pas le temps, opposé pour ce deuxième match au Lille de Scop des Beach Boys. Adaptation ou version originale, allez sur Radio Mozo, c'est à vous de choisir. Well, I'm not bragging, babe, so don't put me down. Les Lionceaux, les Beach Boys, vous avez fait votre choix, c'est parfait. À venir sur Radio Guimauzo, Dionne Warwick, Sheila, Jacques Dutronc et Michel Polnareff. Anyone who ever dreamed could look at me and know I dream of you. Knowing I love you so. Anyone who had a heart could take me in his arms and look into you. Couldn't really have a heart and hurt me like you. Every time you go away, I always say, this time it's goodbye, dear. Loving you the way I do, I take you back. Without you, I die, dear. Knowing I love you so. J'aime ta couleur café. Les sœurs Guachel, Marielle et Christine, trustent les victoires. Le nouvel Observateur sort son premier numéro. Quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer. En URSS, Nikita Khrouchtchev est limogé. Kleenex, blanc ou rose, rend 1000 services dans la vie courante. Et hop, Kleenex. Angélique, marquise des anges, est incarnée par Michel Mercier. Et Ian Fleming, l'inventeur de James Bond, disparaît. Aux USA, Lyndon Baines Johnson est élu président. Et les Rolling Stones sont plébiscités par les petites anglaises. À New York, le pont de Brooklyn, le Brooklyn Bridge, est spectaculaire. Le caprice de Dieu s'annexe les anges. Sous ton balcon. Simca sort la 1300 et la 1500. Oh, oh. Et Chamex change la vie des ménagères. Round, round, get around, I get around, yeah, get around. L'op art envahit la mode. James Bond, dans Bon Baiser de Russie, envahit le monde. Bye. bruit là, bang bang, je ne l'oublierai pas. Je me sens le cœur serré, bang bang. Je me souviens, bang bang. Tout me revient, bang bang. Et ce bruit-là, bang bang, je ne l'oublierai pas. Sheila Bang Bang, le 45 tours est à noter, sortira fin 1966. Le film dont Sheila par contre est la vedette principale, lui ne sortira que le 15 février 1967. Bon, et voici l'heure pour nous de tourner une petite page de publicité, une page de publicité signée Jacques Dutronc. On se retrouve juste après. Je suis l'homme qui chante et qui danse, celui qui fait pchit et boum boum. Je suis le seul dans toute la France à posséder un super zoom. Je suis le modèle géant qui est garanti pour longtemps, qui ne s'use que si l'on s'en sert, instantané comme le désir. Sans bouillie, la jouvence de vos sourires, je roule et roule pour vous, je suis le cactus de Pompidou, je suis vif comme une tornade blanche, l'ami sincère de vos nuits blanches, celui de vos jours les plus beaux, l'échelle que j'aime c'est l'escargot. Et une peau nette comme le satin. Je suis le modèle conforme. Venez donc voir mon magasin. Chez moi le parking est tout près. Je n'ai vraiment qu'un seul regret, de ne pas être universel à l'école des demoiselles. Il n'y a qu'un cheveu sous la tête à Mathieu, il n'y a qu'une dent dans la mâchoire à Jean. Une nouvelle qui a bouleversé la France entière en cette année 1968. L'auteur de cette révélation, Michel Polnareff. Il n'y a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu, il n'y a qu'une dent, il n'y a qu'une dent. Il n'y a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu, il n'y a qu'une dent dans la mâchoire à Jean. Et il n'y a que deux, il n'y a que deux testaments, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas vingt. Il n'y a que deux, il n'y a que deux testaments, il n'y en aura un de plus quand j'aurai fait le mien. Il y a trois, mais la guerre de trois, mais la guerre de trois, je crois, n'aura pas lieu. Il y a trois, mais la guerre de trois n'aura pas lieu, je crois, nous ne sommes que deux. Il y a cinq, Saint-Michel et Saint-Jean, les saints de la main puis Cincinnati. Il y a cinq, Saint-Michel et Saint-Jean. Ainsi soit-il. Yes, cheveux sur la tête à Mathieu. Il n'y a que le temps, il n'y a que le temps. Et il n'y a que les cheveux sur la tête à Mathieu. Il n'y a que le temps dans la mâchoire à Jean. Et il y a si naturel et bémol, mais si péri, mais si cotron. Il y a si naturel et bémol, mais avec ses oursins il n'y a qu'un citron. Il y a sept ans, c'était le temps, c'était un autre temps, c'était du temps perdu. Il y a sept ans, c'était le temps, c'était ton, je ne me souviens plus. Il y a neuf, ne faut pas trop pousser. Il y a neuf à la coque, il y a neuf en gelée. Il y a neuf, ne faut pas trop pousser. Tu vas tomber. Tête à Mathieu, il n'y a que le temps, il n'y a que le temps. Il y a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu, il n'y a que le temps dans la mâchoire à Jean. Il y a-t-il disque t'as sur le cœur, dis-moi comment tu viens, dis-moi comment tu vas. Il y a-t-il disque t'as sur le cœur, disque t'as sur le cœur, on le discutera. Il y a 11 ans, ça fait du mouron, on sait pas trop comment tout cela finira. Il y a 11 ans, ça fait du mouron, on sait pas trop comment, mais on s'en sortira. Il y a 12 garçons dans mon cœur, ça fait 12 amoureux qui sont très très heureux. Il y a 12 garçons dans mon cœur. Très amoureux. Il n'y a que le temps, il n'y a que le temps. Il y a que je peux sur la tête à Mathieu. Il n'y a que le temps dans la mâchoire à Jean. Il n'y a que le temps, il n'y a que le temps. Il n'y a que je peux sur la tête à Mathieu. Il n'y a que le temps dans la mâchoire à Jean. Y'a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu, il n'y a que le temps, il n'y a que le temps. Y'a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu, il n'y a que le temps dans la mâchoire à Jean. C'est en 1962 que Pat Boone sort Johnny Will. C'est en août 1962 que Dick Rivers quitte les Chats Sauvages et se lance dans une carrière solo. Carrière que nous allons évoquer dans un coin du spécialiste juste après Pat Boone. Excellente journée, merci de nous écouter. I gotta get some money and get it right away. Because my baby, she gave me the word today. She's tired of sitting home each night. She says she has her fill. And if I don't take her to the dance next week, Johnny will. I checked and found they're selling tickets at $5 each. And all that kind of money ain't within my reach. But if I want to be the guy who is her only thrill, I better take her to the dance next week, or Johnny will. Oh, that Johnny, that no good Johnny, he's been trying to steal my loving baby away. Sends her candy, sends her flowers, and I never saw her smile away. Smiled at him today. I tried to borrow it from my friends, but they said no. Still somehow, someway, I just gotta get that dough. My future happiness depends on one $10 bill. Cause if I don't take her to the dance next week, Johnny will. Johnny will. Oh, that Johnny, that no good Johnny, been trying to steal my loving baby away. Sends her candy, sends her flowers, and I never saw her smile away. She smiled at him today. I tried to borrow it from my friends, but they said no. Still somehow, someway, I just gotta get that dough. My future happiness depends on one $10 bill. Cause if I don't take her to the dance next week, Johnny will. Johnny will. Oh, that Johnny. Salut les 60 sur Radio Gémozo, la légende en musique. ne chantera qu'un seul été ou presque avec les Chats Sauvages. Dick Rivers, de son vrai nom Hervé Fornery, est né le 24 avril 1945 à Nice. Dick quittera les Chats en août 1962 en pleine tournée d'été. Pierre Sacca et Jean-Pierre Bourteille lui composent un titre qui colle parfaitement à son personnage, fasciné qu'il est par l'Amérique et les westerns. Ce sera Baby John. C'est le début d'une longue carrière solo. Nous sommes en 1962 et Dick Rivers n'a que 17 ans et demi. Paris réussi pour Pathé Marconi. Le 45 tours se vend à 250 000 exemplaires. Dès lors, Dick Rivers va enchaîner les disques et les tubes. À l'automne 66, Dick Rivers crée Noël des enfants oubliés et reçoit la croix de l'Ordre national du mérite des mains même de M. et Mme de Gaulle, alors président de la République. Dick Rivers est avec Johnny Hallyday, Sylvie Vartan et Eddie Mitchell, le seul artiste issu de cette période dorée du début des 60s qui soit encore bien présent de nos jours. Que ce soit avec les Chats Sauvages ou en solo, Dick Rivers a marqué de son empreinte cette époque désormais légendaire du rock and twist français. Demande-lui, oh oui, Baby John, tu sais. Demande-lui si je peux encore l'aimer. Tu es le seul, oh oui, Baby John, tu sais. Tu es le seul qui peut vraiment lui parler. Rends-moi service, allez, allez, et ne te fais pas trop prier. Un ami comme toi ne peut pas refuser. Demande-lui, oh oui, Baby John, tu sais. Demande-lui si je peux encore l'aimer. Elle t'écoutera, oh oui, Baby John, tu sais. De toi je sais qu'elle ne se méfie jamais. La vie comme ça ne peut plus durer. Je veux savoir, il faut m'aider. Un ami comme toi ne peut pas refuser. Arrange-toi, oh oui, Baby John, tu sais. Arrange-toi pour savoir la vérité. Tu es le seul, oh oui, Baby John, tu sais. Tu es le seul qui puisse vraiment m'aider. J'en ai peur pour sauver notre amour qui se meurt. Il était né sous le ciel bleu, au hasard de l'été. Où est-il dans le temps heureux où l'on s'est né? Bien trop court, mais juste assez pour en souffrir un jour. Mon cœur est révolté. Oh, oh. si tout devait finir. Et jusqu'au fond de mes nuits, tu m'entendras gémir, gémir pour toi. C'est fini. Pour sauver notre amour, lorsque s'en vient l'ennui, il va mourir tout doucement dans le froid de l'hiver. On y croyait pourtant, oui nous étions sincères. Adieu, adieu, adieu, mon rêve était fou. Dans la couleur de ses cheveux, bien plus jolie que le miel dans ce matin qui s'éveille. C'est l'instant que je préfère. Si blancs sont les bras de celle que j'aime là sur mon cou. Là sur mon cou, c'est l'instant que je préfère. De l'eau, on s'était long, long, long, long. tu n'en finis pas de dire au revoir à papa et à maman. Tout ça c'est long, long, long, long. Oh oui, tout ça c'est long, long, long, long, long, long, long. Oh, oh, tout ça c'est long. Les années Twist, le son rock'n'roll, c'est votre rendez-vous avec Gérard. Sylvie Vartan avec moi, reprise du So Long Baby de Del Shannon, version originale que je vous propose de retrouver pour ce troisième et dernier match. I see you're laughing and telling everyone in town that you've made a fool of me. Well, go and talk some more, cause baby, I don't care no more. You don't bother me at all. Cause I got news for you, I was untrue too, and I don't care what you say. Sorti en juillet 1965, Help est le second film des Beatles. Help est l'une des compositions préférées de John Lennon, titre dans lequel il avoue ses faiblesses et sa difficulté à assumer son statut de rockstar. Des paroles largement autobiographiques. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. Anybody's help in any way. And now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find a change of mind, I've opened up a door. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Toujours moderne, la France procède aux premiers essais du métro aérien sur rail. L'irrésistible Clark Gable nous quitte. La mayonnaise est en tube.

possède. Il faut chanter avec lui, chanter à vos amours qui renaîtront un jour. Vous aimerez sa mélodie. Laissez-moi vous dire, quand un air vous possède, vous ne pouvez l'arrêter. Quand un air vous poursuit, et le jour et la nuit, plus fort que lui, il faut chanter. Johnny Hallyday, quand un air vous possède, et quand un air ou une musique vous possède, on ne peut l'oublier tout à fait, et c'est pourquoi je vous donne rendez-vous jeudi prochain dès 14h pour une nouvelle émission. Excellente fin de journée, excellente semaine sur Radio Guémozo. Salut les 60, merci de votre fidélité. Pas des yeux. Et j'ai pensé qu'il n'était pas bien loin. Ce jour où j'aimerais enfin. Je rêverai, il est beau et je crois que je vais l'aimer.